Bon, bienvenue dans notre nouvel épisode de Podcorn. Cette fois, on va parler de films de Noël. Bon, aujourd'hui, on a Julien. Bonjour, Salut, Julien. salut, Héloïse, salut salut, Héloïse. salut, salut. Et Émilie. Bonjour. Et moi. Bonjour, moi. Voilà. Bon, on va attaquer tout de suite dans le vif du sujet. Émilie, tu commences? De quoi tu vas nous parler? Alors moi, je vais vous parler des Gremlins. Steven Spielberg présente Gremlins. Billy Pelzer a une maison agréable. C'est toi, Billy? Oui, maman, c'est moi. Un travail agréable. Une petite amie charmante. Si jamais tu faisais rien jeudi soir, peut-être que tu serais d'accord pour sortir avec moi. Tout à fait d'accord. Et des parents affectueux qui vont lui offrir... Ça va te plaire. Non, non, ne le secoue pas. On va l'ouvrir maintenant, on ne peut pas attendre Noël. Le plus surprenant des cadeaux qu'il ait jamais reçu. Et qu'est-ce que c'est? Non, non, non. C'est ton nouveau copain. Et doucement, Barney, hein, sois gentil. C'est papa qui me l'a donné. Mais il y a quelques petites choses auxquelles il faut prendre garde. Si vous l'exposez à la lumière, vous lui faites mal. Si vous le mouillez, il se multiplie. Tout ça parce que de l'eau lui est tombée dessus? Oui, simplement de l'eau. Et le plus important, même s'il vous en supplie, ne jamais, jamais les laisser manger après minuit. Parce qu'alors, il change. Ils deviennent intelligents, espiègles. Mais enfin, qu'est-ce qui arrive? Et dangereux. Des gremlins. Des petits monstres. C'est ça. Et il y en a des centaines. Je ne sais pas, peut-être des milliers. Ils sont venus ici. Billy, mais qui sont-ils? D'où est-ce qu'ils viennent? Écoutez, je sais que ça a l'air complètement fou, mais dans quelques heures, une catastrophe épouvantable risque d'arriver. Gremlins, mise en scène par Joe Dante. Ils vous attendent pour Noël. Eh ben, vas-y. Ah ben, j'y vais. Alors, Gremlins, donc, c'est un film qui est sorti en 1984, américain, bien sûr. La réalisation Joe Dante, donc, qui a aussi réalisé Piranha, Hurlement. Le scénar, c'est Chris Columbus. Donc, lui, par contre, il a réalisé Maman, j'ai raté l'avion, Madame Doubtfire, ou encore certains Harry Potter. Les deux premiers. Les deux premiers, oui. En acteur, on a Zach Galligan. Alors, pour ceux qui connaissent, il est apparu dans Melrose Place. Voilà. Il y en a qui reconnaîtront. Rigole pas, toi, Julien. Et Phoebe Cates. Le producteur, c'est Spielberg, entre autres. Et donc voilà. Donc, en fait, l'histoire, c'est un inventeur qui se balade dans Chinatown et qui cherche un cadeau de Noël pour son fils Billy. Et donc il va rentrer dans une boutique un petit peu en souterrain, une boutique chinoise. Et en fait, de par son originalité, il va craquer sur un petit mogwai, une petite créature imaginaire. Et donc il va le ramener, il va l'offrir à son fils un petit peu avant Noël. Et donc. Eh ben vas-y. Tu nous racontes pas la suite du film, parce que là, c'est les 5 premières minutes que tu as résumé en deux. Ouais. Ouais, bon, ok. Les règles essentielles. Voilà. Ah oui, les règles du Gremlins, quand même. Alors, voilà, les règles du Gremlins, il y en a trois principales. Donc, c'est surtout, il ne faut pas leur donner à manger après minuit, mais il dit pas pourquoi, hein. Il faut surtout pas lui donner à manger. Il doit être éloigné de l'eau. Pareil, on sait toujours pas pourquoi. Et par contre, pas de lumière parce que ça pourrait les tuer. Voilà. Donc il a ces trois règles qu'il transmet à son fils. Voilà. Est-ce que ces règles vont être scrupuleusement suivies? Eh bien non, forcément. Sinon, il n'y a pas de film. Voilà. Sinon, le film, il dure 5 minutes. Donc ça va commencer par le pas de lumière. Donc en fait, il se rend compte qu'en le prenant en photo. Avec le flash. Avec le flash, bien sûr. Donc là, il a un peu peur. Donc ça, c'est à ce moment-là que le père, il dit, faut surtout pas de lumière. Et ensuite, c'est quand il le met dans sa chambre, en fait, il a un pot avec de l'eau, il va faire tomber de l'eau sur le mogwai. Et là, de là, va émaner des petites boules de poils de charmants petits mogwai. Voilà. Et bien sûr, après, pas manger après minuit. Là, on se doute que c'est un coup monté des gremlins parce que le réveil a été débranché. Donc, ils croient qu'il est 23h30. Et voilà, ils vont se transformer en espèce de chrysalide. Ils vont devenir des monstres. Des monstres qui vont bientôt ravager la ville. Qui se nomme ? La ville ? Oui, bah oui, la ville, pas les gremlins. Je ne sais plus. Kingston Fall. Kingston Fall, voilà. C'est un piège. Sur la con, mais bon. Et alors, Mogwai, donc, pour l'histoire, donc, ça veut dire mauvais esprit, esprit malin, monstre. Ça vient du chinois. Et Gizmo, le mot, alors c'est le prénom du Mogwai. Ça a été inventé par Chris Columbus. Alors, il faut savoir aussi que il y a Tim Burton qui était pressenti pour en réaliser le film. Donc. Alors, moi, j'ai remarqué aussi au début, quand il est dans la boutique chinoise, une ambiance un peu conte de la crypte, avec ses bougies, cette ambiance un peu sombre. La crypte. Voilà, crypte. Et notamment le rire des gremlins, quand ils sont devenus monstres, ça fait un peu penser au squelette des contes de la crypte du présentateur. Alors, on a énormément de références dans ce film. Déjà, au tout début, quand on voit le père appeler sa famille, donc on voit Steven Spielberg dans un espèce de vélo mécanique passer, ainsi que celui qui fait la musique. Le compositeur. Jerry Goldsmith. Voilà, Jerry Goldsmith. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé aussi que Joe Dante avait réalisé Piranha. À un moment donné, dans le film, il y a un Gremlins qui est assis sur une feuille où il y a dessiné un piranha. Donc, est-ce que c'est un petit clin d'œil aussi ? Pourquoi pas ? Il y a des chances que ce soit un clin d'œil. Il y a aussi un clin d'œil à Hurlement. Ouais. Il y a le petit smiley sur le frigo, c'est un clin d'œil à Hurlement. Mm. Donc, il y a bien sûr une référence à Blanche-Neige et les Sept Nains. Donc, quand ils vont tous dans le cinéma, vers la fin du film, ils sont tous dans le cinéma, ils chantent joyeusement avant de se faire exploser la tronche. On a une référence à La vie est belle, quand la mère est dans la cuisine et qu'elle regarde un film. Donc, c'est des images du film. On a bien sûr... la référence à E.T. Quand un des gremlins prononce téléphone maison, voilà. On a Flashdance, quand il commence à danser sur le rythme endiablé dans le bar où la fille est complètement submergée par le fait de servir des bières, l'alcool. À des gremlins, bien sûr. Il y a la quatrième dimension aussi. Dans la chambre de Billy, il y a une affiche qu'on voit sur son mur. Et il y en a des tonnes, hein. Il y en a des tonnes de références. Il y a aussi quand il y a un gremlin sur un tricycle dans le magasin de jouets. Donc ça fait référence à Shining qui a été sorti donc en 80. Et aussi Damien la malédiction quand il parcourt le grand couloir en tricycle avant de faire tomber sa mère dans le vide. Voilà, le côté un peu glauque qui est sorti en 76, donc comme c'était bien avant. Voilà. Alors puisqu'on est dans les anecdotes, est-ce que vous en avez d'autres, des anecdotes sur les Gremlins ou à partager ? Non, pas spécialement. Non, c'est pas... Pas une anecdote, non. Allez, exprime, en quoi alors ? C'est pas un film pour les enfants. Tout le monde dit que oui, mais alors, par contre, moi je l'ai vu gamine, là je l'ai revu, enfin ça faisait longtemps que je l'ai pas revu, et je me rendais pas compte de l'horreur que c'était. La violence et l'horreur que c'était. Il y a quand même deux morts. Il y a deux morts. Non, il y a un seul mort, et que Madame Deagle qui meurt. Et il y a le prof aussi. Non, il est pas mort. Ah, mais on le sait. On le sait pas, mais. Ouais. Il bouge plus quand même. Il est quand même seulement amoché. Ouais. Bah, il a une seringue dans le cul. Mais, Beagle, elle passe par la fenêtre. Oui, oui, elle et à la fin, dans le flash de l'info, ils disent clairement que Madame Beagle est décédée. Ouais. Alors qu'ils ne parlent pas du prof. Non, c'est vrai. Et on l'a un peu oublié, le prof. Et il y a une idée aussi de un peu de conte dans le sens où à minuit, attention, qu'est-ce qui va se passer si on leur donne à manger. Il y a un côté Cendrillon qui se transforme. Enfin, ça peut faire un peu conte machiavélique. Ouais. Par contre, pour aller dans le sens d'Héloïse, quand même, le film a eu le Saturn Award du meilleur film d'horreur en 84. Donc quelque part, c'est peut-être un film d'horreur familial, mais c'est peut-être pas trop pour les enfants. Ouais, c'est vrai que le Gremlins au mixeur, au micro, ils sont bien filmés en gros plan. Mais comme ouais. Le sang est vert, ça donne un côté un peu extraterrestre. Il y a un côté c'est cartoon, pas... mais voilà, bon, ouais. Quand même, c'est sale. Ils sont quand même bien ouais, affreux. Le côté quoi. Cartoon, il est quand même beaucoup plus accentué dans le deuxième. Et c'est beaucoup moins pris au sérieux. Et du coup, ça passe plus facilement, je trouve, auprès des enfants. Quelque chose d'ailleurs, à propos de ce qui passe facilement auprès des enfants, toi, je te vois sourire. Non, moi, franchement, un film d'horreur, c'est pas un film d'horreur. Bon, tu l'as revu récemment? C'est comique, mais je le connais, je l'ai vu plusieurs fois. Ouais. C'est plus comique qu'autre chose. Oui, il y a des côtés très drôles quand... Il n'y a vraiment rien de... C'est pas l'exorciste non plus. Hein. Il parle pas, genre... Bon, l'exorciste, c'est pour les enfants. C'est pas moi, tu dis que l'exorciste, c'est pour l'exorciste. Les enfants, mais... Parce qu'il y a un enfant dedans les... c'est pas pour les enfants, quoi. Bon, j'y pense pas. Non, quand il est en phase de décomposition à la fin, parce qu'il est tombé, dans l'eau, justement, le dernier, c'est un peu dégueu, quoi. Oui, mais à la fin d'Indiana Jones, c'est un peu dégueu aussi, et pourtant, c'est pas des films d'horreur. Non, mais là, oui, ça a des têtes de monstres. C'est vrai, quand ils sont dans le bar déguisés comme des poivrons. Il y a plein de films où il y a du sale, et c'est pas forcément sale. Voilà, mais c'est il y a un côté drôle, mais enfant, on voit pas forcément. C'est ça, c'est destiné à des enfants à la base. Ouais, pas forcément. A priori, à la base, le scénario était encore plus noir que ça. La mère a dû finir décapitée, le chien pendu et éventré. Ah ouais, ouais. À la base, c'était quand même bien crade. En fait. Déjà, le chien, il s'est retrouvé en guirlandais. Ouais, juste en guirlandais. Voilà. Et je pense qu'il reste des traces du scénario de base quand la nana, elle raconte que son père, il est mort en passant par la cheminée et qu'il est resté à pourrir dedans pendant une semaine. Ouais, c'est un peu... C'est un peu glauque, quand même. Mais c'est comique. Oui, c'est comique, mais en même temps, c'est quand même vachement quand même. Glauque. Ouais. Ils ont voulu passer ça pour... Pour Glock. Bon, et les Gremlins, vous savez d'où ça vient, le mot Gremlins? On t'écoute. Bon, oui, bah, ok. C'est tout oui. T'es tout oui, bah, c'est bien. En fait, ça vient de Roald Dahl, l'écrivain qui a écrit Charlie et la chocolaterie, par exemple. Il était aviateur pendant la Seconde Guerre mondiale, et il y a une rumeur qui se propage, enfin, une légende plutôt, chez les aviateurs, qui disait que quand les avions tombaient en panne, c'était à cause de bestioles fantastiques qu'ils appelaient les Gremlins, qui bouffaient les moteurs et qui faisaient que les avions s'écrasaient. Du coup, il en a écrit une histoire qui a intéressé Disney. C'est pour ça qu'on voit des Gremlins apparaître dans les vieux Disney et dans le jeu Epic Mickey, d'ailleurs. Et Disney, par contre, n'a pas su quoi faire des Gremlins plus tard, et ça a été repris par Tim Burton, qui était chez Disney, justement, comme tu disais, et s'est repassé dans les mains après de Chris Columbus et Joe Dent pour le résultat qu'on a là. Et voilà, tout à fait. Voilà pour les Gremlins. J'avais pour le Mogwai, mais pas pour les Gremlins. Et alors, au niveau des anecdotes, j'en ai encore une qui est pas mal, quand même. Dans une vraie église, la chapelle de Bethléem, en Loire-Atlantique, il y a deux chimères à l'extérieur, une qui représente Gizmo et une qui représente Stripe, le Gremlins avec la crête. La crête Loire-Atlantique. Ouais. Sur une vraie église, il y a les Gremlins. Ça, c'est la classe. C'est vraiment des psychopathes. Oh, bah tiens. Tu te plains, il est allé voir le truc du Hobbit en Australie. Non, en Nouvelle-Zélande. Marc, les gargouilles... Oui, bah c'est... Les gargouilles, c'est un peu cette tête-là. Hein. C'est des gargouilles. Tu te rapproches. Donc voilà, et bon alors. Et il y a le Gremlins 2, donc, qui est topissime aussi, qui est sorti en 90. Voilà, à voir. Les deux à voir, quoi. Les deux sont. Il n'y en a pas eu de 3, hein. Non, il n'y a pas eu de 3. La fois où j'ai téléchargé Gremlins 3, bah, c'était pro Gremlins 3. Je l'avais fait exprès, c'est comme le transporteur, ça tu fais style, et puis en fait. Le transporteur, non, j'ai vu, pourquoi? Voilà, moi aussi, j'ai téléchargé aussi. Je suis tombé sur moi, c'était bien le transporteur, moi, par contre. C'était chiant. Voilà, et donc sinon, pourquoi tu le conseillerais, ce film? Pourquoi tu l'as aimé, enfin, tout ça? Bah, je l'ai aimé enfant, je l'ai aimé maintenant. Enfin, c'est bon esprit, peut-être pas des enfants trop jeunes, pas tout seul du moins. Mais oui, c'est un bon moment, c'est bien trippant, ça, on s'ennuie pas. C'est un original et un culte, donc oui, je vous le conseille. D'accord, et donc bon film de Noël, quoi. Ah oui, bon film de Noël. Et pourtant, il est sorti en 84. En été. Ah. Eh ouais. Oh, toi, rigole pas, le chien aussi, il est sorti en été. Ouais, mais moi, je fais ce que je veux. Ouais, bah, ça. Ah, tiens, juste pour toi, tu sais, la ville de Kingston Fall, tu sais où tu l'as déjà vue? Ah, tu l'as déjà vue, mais des centaines de fois, au minimum. Ça, c'est de mon indice. Vite fait, là. Bah. Doc. Ah bah oui. Ah, oui. C'est la ville de Retour à la future, ouais. Bon, ben merci, Mimi, de toujours un peu les mêmes décors à l'époque. De rien. Ah bah surtout, c'était une production en blanc, c'était Spielberg qui était derrière. Les banlieues, les petites banlieues américaines, c'était clair. Bah, Joe Dent, il aimait bien ça avec les banlieues d'art et tout. Les gilets jaunes. Non, pas les gilets jaunes, s'il te plaît. Oh non. Oh, mais vite fait, là, comme ça, c'est l'actualité. C'est d'actualité. Eh bah, l'actualité, ta gueule. Ok. Voilà. Moi, je me tais, je fais grève. Abdoula. Que dire de plus? Bon bah, merci, Emilie, en tout cas. De rien. Bon bah, Julien, puisque t'as l'air motivé, vas-y. Il fallait que je me taise. Bon. Bah à cause maintenant. Bon, on va parler de l'un des meilleurs films de Noël du coup. Ah oui. C'est le soir du réveillon à Los Angeles. La Californie. Papa et toi, vous rentrerez ensemble? On verra si ça peut s'arranger entre maman et le Père Noël. Le policier John McClane est venu de New York pour fêter Noël avec sa femme. Tu m'as manqué. En fait, il est venu pour sauver sa femme. Passez-vous. Allez, montez. Dans ce gratte-ciel qui surplombe la ville, 12 terroristes ont déclaré la guerre. Je me propose de vous enseigner le vrai usage du pouvoir. Ce sont des hommes brillants, parce que ce qui m'intéresse, ce sont les 640 millions de dollars enfermés dans votre coffre. Et ce sont des hommes cruels. Je ne peux rien vous dire, il faudra me tuer. Très bien. Alors nous choisirons la manière forte. S'il y a une chose que McClane n'a pas envie d'être... Mais si, bon Dieu! C'est un héros. Où est Oli? Il l'a emmené! Où ça? Malheureusement, il n'a pas le choix. Mais enfin, qu'est-ce qu'il fait? Non. Son métier de flic. Ils viennent déjà de tuer un otage. Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Il est dans l'immeuble, mais qui est-ce? Je suis pas de votre côté! Mais qui êtes-vous? Vous êtes bien gênant pour un gardien de la sécurité. Erreur sur la personne Hans. Vous avez autre chose à me proposer? Vous croyez avoir une chance contre nous, monsieur le cow-boy? Yippie, l'Indien. Vous venez de détruire un immeuble entier. C'est moi qui suis chargé des opérations. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Vu d'ici, vous n'êtes chargé qu'un énorme fiasco. Il est seul, il est épuisé. Il a encore vu personne lever le petit doigt pour lui. Mes camarades, comment tu te sens? Et pour tout dire, je me sentirais beaucoup mieux si j'étais ailleurs. Je veux sa peau. Tu l'auras. Il n'y a que John qui puisse mettre quelqu'un dans cet état de rage. Facile de l'aimer, ce garçon. Viens à Los Angeles, on va rigoler, on va faire la fête ensemble. Mais très difficile de le tuer. Bruce Willis, piège de cristal. Figurez-vous que j'ai été invité à la fête par erreur. Un coup de peau. Bientôt sur vos écrans. Sorti en 88, Jacques McTiernan, le réalisateur qui à l'époque, c'était le réalisateur des films d'action. Ah, et lesquels, principalement? Qui vient le prix Predator. Ah oui, mais je crois que c'est le seul qu'il avait fait avant. Enfin, Predator et Nomad. Il en avait fait après, après c'était un peu plus compliqué. Oui, ça a été très compliqué. Il a fait, parce que 13ème guerrier, c'était pas une... Rollerball non plus, hein. Rollerball, je l'ai pas dit parce qu'il fallait quand même pas salir le... Non, faut rester sympa. Non, on va rester sur Predator. On va pas dire qu'il était en tôle, tout ça non plus. On va pas rester 10 ans sur... Ouais, mais s'il était en tôle pour parjure seulement, c'est pas non plus un gros crime. Non, ça va. Ouais, le mentir à la barre, c'est rien. Ah. Donc, oui. L'action se déroule au cas de Los Angeles. Essentiellement dans la tour. Nakatomi Plaza. Bon, on en était où avec notre place Nakatomi Plaza, voilà. Voilà, en plus je me répète. Bon, c'est pas grave, je fais un peu de montage. Ou pas, je vais passer à repasser pour un gâteux. Voilà, donc c'est personnage principal, John McClane, flic de New York. Qu'est-ce qu'il faut à Los Angeles? Eh ben, il va rendre visite à sa femme qui a pris un boulot plus qu'intéressant à Los Angeles. Et donc, après 6 mois, il va la voir à Los Angeles, et les enfants aussi. Et donc, du coup, il la rejoint directement à sa petite fête dans cette tour. Et d'où les terroristes, et les terroristes justement qui viennent à ce moment-là, des terroristes allemands, je précise. Ouais, bah, dans les Allemands, il y a un japonais, il y a un noir. Et exactement. Alors, il y a un truc sur ça qui est assez rigolo, c'est que dans le monde entier, c'est des terroristes allemands. En Allemagne, c'est des terroristes irlandais. Mais c'est exactement la même réflexion. Il y a un chinois, il y a un noir, et tout. Mais pour pas vexer les Allemands, surtout à l'époque, eh ben, on a dit que c'était des terroristes irlandais. Voilà. Ce qui a posé problème avec le 3. Exactement. Parce que après, un vieux soldat de l'ex-RDA, joué par Jeremy Irons dans le 3, il avait pas une tête d'Irlandais. En Grover, il avait pas une tête d'Irlandais, ni l'accent. Ça a été un peu compliqué, mais bon, c'est après. C'est un détail. C'est un détail. Bon, c'est encore regarder des films d'action, généralement, on se prend pas trop. Ah oui, puis McTiernan, comme c'est un bon. Et ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il a réalisé le 3, mais pas le 2. Non. Finalement. C'est pas grave. Et... bah, on a vu la différence, parce que le 2, c'est quand même un tout petit peu moins bien. Assez bourrin, hein. C'est assez bourrin, un peu moins bien. Un peu moins humoristique aussi. Ouais. Parce que quand même, Piège de Cristal, c'est quand même un film où il y a des petites scènes assez sympas. J'appelle pas pour commander des pizzas. C'est ça, notamment, ouais. Attends, mais ça, la version française. Alors, j'ai regardé les deux versions, ah ouais, française et anglaise, pour savoir si à peu près les dialogues étaient à peu près les mêmes. Ça se joue. Ça se joue, et puis la version française joue. Est quand même pas mal du tout. Ouais, ouais. Il y a un peu plus d'humour, j'ai l'impression, dans la version française. Bon, bref, ce bon vieux méchant, là. Hans Gruber. Alors, lui, c'est un bon, lui. Joué par... Merde, Alan Rickman. Ouais, Alan Rickman. Le regretté, là. Il est mort il y a deux ans. Ouais. Ouais. Un des membres qui jouait un rôle très important dans les Harry Potter. Oui, bah oui. Forcément. Mais les Harry Potter, bon. Et il y avait un autre acteur aussi. Alors, ça. Je me demandais si t'allais en parler. Je vais en parler. Si... Je l'ai noté. Et parce que ça, Clarence Gilliard, voilà. Junior. Alors là, il faut que j'en parle, évidemment. Il faut que t'en parles, bah oui. Il faut que j'en parle. Juste avant de jouer son rôle de sa vie. En tant que lieutenant de Chuck Norris dans Walker Texas Ranger, Trivette. Là, ça c'était, il fallait que j'en parle, ça. Parce que de toute façon, finalement, dans l'histoire du cinéma, on en revient tout le temps à Walker. Et à Chuck Norris. Quelque part. Et Chuck Norris. Tu vois, on peut pas ne pas traiter de ce sujet très important, Clarence Gilliard. Alors vas-y, parle-en. De quoi? De Clarence Gilliard? Bah, faut oui. Que je parle de Walker Texas Ranger? Non, Walker, c'est bon. Parle de Clarence. Non, juste vite fait, le Clarence, c'est le petit génie informatique qui essaye de casser le fameux coffre pour avoir des petits bons de dollars, hein, des petits bons de trésor, pour une modique somme de 670 millions de dollars, n'est-ce pas? Un petit c'est butin, pactole. Tranquillement. Donc voilà, ça fait c'est prise d'otage, et donc ça joue, il y a une relation en fait dans ce film entre... McLean et un flic en patrouille. Un flic en patrouille, joué c'est le sergent Powell. Son nom à chaque fois, il est tellement chiant ce nom à dire. Bah, on le dit pas, c'est sergent Powell. Mais on le dit pas. Mais en tout cas, il a joué notamment, un an plus tard dans cette fameuse série, Air de famille, un truc comme ça. Air de famille, non, je sais pas. C'est pas si, tu sais, avec le foufou, le petit jeune. Prince de Bel Air. Non, mais bon, c'est pas très grave. Bon, c'était le père de famille. Et du coup, ouais, ça jouait en fait sur cette relation entre les deux, où il le soutenait pendant tout ça. Et, moralement. Moralement, ouais. Pendant, c'était pas facile parce qu'il y a eu le fameux chef de la police de Los Angeles qui est un peu un petit trou du cul. C'est ça. Et ensuite, les frères jumeaux du FBI, les sergents spéciaux Johnson et Johnson. Un noir et un blanc. Aucun lien, fils unique. Voilà. C'est décousu ton histoire, je comprends pas tout. Tu comprends pas tout? Ah bah ouais, mais c'est décousu ce film. C'est ça qui est bon. Pas tant que ça! Non, c'est. De toute façon, l'histoire c'est simple, c'est prise d'otage, humour, de la baston, ça mitraille dans tous les sens, comme ça on s'embête pas. Et voilà, donc c'est un bon petit film, ça qui est arrivé d'ailleurs à Bruce Willis du coup. Ouais, plus ou moins, oui. Bah oui, parce que Claire de Lune... Enfin, dans le rôle d'action star, en tout cas, on va dire. Ouais, c'est ça. Oui, parce qu'à l'époque, on en pensait beaucoup être Schwarzenegger, Stallone, les gars de l'époque. Steven de Souza, pas de Souza, qu'est-ce que j'ai dit, Steven... Merde, Seagal. Seagal, voilà. Et du coup, tous ont refusé le rôle. Et bon, ils ont pris le Bruce Willis. Parce qu'à l'époque, ils pensaient quand même au... pas qu'à Bruce Willis, il pensait même à Richard Dean Anderson. Oui, c'est vrai, MacGyver. Ouais. Donc il pensait pas que voilà, il pensait pas que qu'à Bruce Willis. Hein. Et du coup, et Bruce Willis, d'ailleurs, qui a été assez gourmand déjà. De, il lui demandait un gros cachet. Il avait demandé 5 millions de dollars à l'époque. D'ailleurs, ça a un peu sa carrière a été un, beaucoup. Il demandait beaucoup d'argent lui. Oui, oui. Ce qui lui a valu sa place dans les, sa dernière place là. Expandable, ouais. Expandable où il était trop gourmand et il s'est fait virer. Bah, c'est même pas qu'il s'est fait virer, il a demandé trop cher, ils ont dit non, quoi, c'est tout. Du coup, ils ont mis Harrison Ford, et c'est bien Harrison Ford. Et Harrison Ford, c'était pas mal. Ouais. C'était pas mal. Bref, ouais, ouais, non. Et... Relation assez tendue aussi avec McTiernan aussi. Hein. Oui, bah. Toujours. Parce qu'il avait une réputation, McTiernan, quand même. Oui, McTiernan aussi. De maltraiter un peu ses acteurs. Et ça passait pas trop bien. Pour revenir au méchant. Son nom c'est Hans Gruber. Hans Peter Gruber. Où là, tu le vois tuer qu'une seule personne, quasiment deux profils, parce qu'en fait, à chaque fois qu'il tirait sur une personne, il sursautait parce qu'il avait peur à chaque fois. Et ça, ça a été un gros problème dans le tournage. Et d'ailleurs, je crois que ça doit être un de ses seuls films d'action. Il a joué que des comédies derrière, donc on en a été au coup de feu. Ouais. Donc, oui, ça, c'est une petite anecdote. Oui, Man a très peur des coups de feu. On le voit sursauter. Et on le voit sursauter. Et je me suis passé 2-3 fois la séquence. Et effectivement, de profil, ils sursautent un peu. Mais vraiment, ils ont fait vraiment ensemble pour que. Bah, y a un bon cut au moment où il appuie, mais bon. Ouais. Il y a une autre chose sur lui aussi. C'est qu'en fait, quand il parle allemand, en fait, il dit n'importe quoi, c'est pas de l'allemand. De toute façon, on s'en fout, on le voit en VF. Ouais, mais en VF, il parle pas. Des fois, il parle allemand. Ah oui, ils disent deux mots par-ci par-là. Mais les autres. C'est même pas sous-titré d'ailleurs, tellement on s'en fout. Bah, en fait, en même temps, il n'y a pas de sous-titré vu que ça veut rien dire. Oui, c'est ça. Bon, puis on s'en fout, on comprend en gros. Sauf, c'est Amène les roquettes ou je sais plus quoi. Sauf les petits blondinets là. Oui. Qui parlent eux allemand. Mais du coup, ouais, c'est vrai, en fait, entre la version genre je suis irlandais et la version allemande, là, ça fait un peu bizarre. Heureusement qu'il a dit n'importe quoi. Mais. Voilà, c'est un peu bizarre cette affaire là. Donc voilà, c'est un super bon film. De toute façon, à l'époque, c'était le meilleur film d'action, je pense. Un des meilleurs films des années 80. Ouais, mais je parle fort là. Non, là tu parles pas. Je parle pas fort. Bah, quand même. Putain, je vais devoir gueuler. Hein. Ouais. Non, mais les actions, là, dans les films d'action des années 80, quand même, pour nous, à notre époque, c'était quand même. Un très très bon film. De toute façon, oui, c'est vrai, après les années 90, il y en a eu encore quelques-uns, quoi, mais. D'ailleurs, 3. Ça s'est fait plus rare. Ouais, mais c'est 95, il fallait attendre 95 quand même. Celui de 90, là, 58 minutes pour vivre, je ne l'ai pas trouvé top. Bah, par rapport au 4 et au 5, il est bien. Oui, mais là, à l'époque, on n'était pas censé voir qu'il y avait des 4 et des 5. C'est vrai. Voilà. Donc, les années 80, on a eu quand même du lourd. Quand même. Bah, on a eu Tango et Cash. En étant... Attends, il y a aussi un très bon film, Arrête où ma mère va tirer. Et non, ça c'est 92, je crois. Peut-être, mais c'était l'âge d'or des films d'action. Non, là c'était le déclin. Là. Oh là là, Invasion USA, tout ça quoi. Voilà, c'était pour toi ça. Fait que je le place, Invasion USA. Faut toujours que je le passe Chuck Norris quelque part. Tu l'avais déjà fait avec Walker, hein, je te souviens, tu te redis là. Ah non, il faut que je passe toujours Chuck Norris quelque part. Voilà. Tu sais où tu peux te le mettre, Chuck Norris? Oui, mais... Eh, deux fois. Deux fois. En double. Voilà. Voilà. Donc, c'est à peu près tout pour ce film. J'ai rien compris à ce que t'as raconté, au final. Hein. Je pense. T'es parti dans tous les sens. Ah oui, mais ça change. Bah ouais. Bon, Edgar, qu'est-ce que t'en as pensé, à part que c'était très bien? Bah, vu que je l'ai vu 30 fois, donc je pense que je l'aime assez bien, ce film. Ah, bah c'est bien. Sans prise de tête. C'est pas difficile à comprendre, hein. Non, c'est vrai, mais c'est même assez limpide pour un film d'action. Ouais, mais en fait, l'action, c'est au bout de 10 minutes, quoi. C'est pas genre, il faut attendre une demi-heure, trois quarts d'heure, le temps que ça se mette en place. Bon, ça dure 2 heures, quand même. Donc, on a quand même une bonne heure 45 de pétard, de quand même. Ouais, donc ça, c'était cool. Et la fin, ça fait... Du coup, moi, je l'ai pas vu, mais ça fait Happy End, ou ça fait Morale, ou ça fait... Ah, y a rien de morale à ça, hein. Ça fait Happy End. Ouais, ça c'est fait, Happy End, les méchants sont tous morts. Il le balance par la fenêtre, et les méchants sont tous morts, et voilà, quoi. C'est pas... Non, y a rien de... C'est classique. Ouais, c'est assez classique. Bon, surtout à l'époque, c'était assez moraliste, hein. C'était toujours les bons qui gagnaient. Voilà, c'est pas spécialement moral, parce que c'est le bon, mais voilà, les méchants, ils meurent tous, mais voilà, on peut pas dire qu'il y a une grosse morale non plus. De toute façon, les méchants, c'était pas... soit les Allemands, soit les communistes, hein, donc les Russes. Oui. Donc, de toute façon, les Irlandais, je voyais pas trop ce qu'ils foutaient sur la poufière, mais... Il y avait l'IRA, à l'époque. Ouais, mais enfin bon. C'est pas ce qui a plus marqué l'histoire du monde, quoi. C'est sûr. Bon, alors, tant que t'étais sur les anecdotes avec Alan Rickman, il y en a une autre, tu la connais ? Tu peux me dire. Concernant sa chute, tu sais, l'air surpris qu'il a en tombant. Oui, c'est alors l'air surpris vrai. Parce qu'en fait, il pensait que la scène durait plus longtemps. Non, il avait dit qu'ils allaient lâcher à 3, ils l'ont lâché à 1. Oui, donc oui. Donc il pensait que ça allait durer plus longtemps, et du coup, ils l'ont lâché plus. Et ça l'a pas. Il a pas trop aimé ça, cette affaire-là. A priori, il a pas eu que l'air surpris, il a bien dû gueuler enfoiré en passant. Ouais, bah de toute façon, il était pas fait pour les films d'action apparemment, même s'il a une gueule de méchant de fou. Ah oui, il est énorme. Lui, il aurait pu faire des gueules de méchant dans d'autres films, c'est sûr. Bah, Harry Potter, c'est. Il fait le méchant, entre guillemets. Oui, mais enfin bon, c'est pas. Voilà. On va pas spoiler Harry Potter, c'est, mais bon. C'est pas Checky Cario, quoi. Non, c'est pas Che Guevara. On entend ce qu'il dit au moins quand il parle. Ouais. Bon, et sinon, le film, tu sais de quoi il s'inspire ? Pour tout, puisqu'on disait justement qu'il était assez limpide et tout ça, que tout se passe en une nuit. Il est basé sur un roman qui s'appelle Nothing Lasts Forever. Oui, c'est écrit dans le générique. Oui, c'est écrit dans le générique. Qui est une suite du film Le Détective, interprété par Frank Sinatra. Frank Sinatra, qui d'ailleurs, dans son contrat... C'était son contrat disait que s'il y avait un remake, il fallait que Francine Atroy reprenne le rôle. Et c'était dans le contrat. Ouais. Sauf qu'il avait 70 ans déjà à l'époque. Il a dit non, faut quand même pas déconner. Les conduits d'aération. Voilà, c'est gentil de demander, mais non. Donc, effectivement, il n'a pas pu le faire. Mais d'ailleurs, c'est bien le petit clin d'œil avec la Lady Snow. Oui, tout à fait. Comme chanson du film. C'est enfin, la chanson du film, il n'y a pas que Lady Snow. Il y a aussi Céline à la joie, c'est pas Sinatra. Non, mais Lady Snow, à la fin, c'est quand même ce qu'il y a de... Oui, c'est l'esprit de Noël. C'est l'esprit de Noël. C'est vrai, pardon, l'esprit de Noël. J'avais oublié avec Die Hard l'esprit de Noël. Pardon, ah, bah oui, bah on sait quand même un film sur... Sur Noël. Enfin, même si c'est Los Angeles, il n'y a pas trop de neige. Enfin, même si c'est rien de Noël, à part Lady Snow. Ah, il y a des guirlandes dans le film. J'ai vu des guirlandes à un moment. Il y a peut-être même des boules de Noël. Ouais. Il y a la grosse peluche au début du film. Ah oui, il y a le nounours. Oui, oui. Ah oui, je l'ai vu. Et bah tu la vois dans Speed aussi, cette peluche, c'est la même. En même temps, Speed, ça a été réalisé par Yann de Bont, chef-op de La Yard. Exactement. Et sinon, d'un point de vue plus classique, le schéma de Die Hard s'est calqué sur Songe d'une nuit d'été de Shakespeare. Tout se passe en une nuit et à la fin, les amoureux se retrouvent. Ah bon, normalement, c'est avant qu'il y ait, puis après qu'il y ait. Non, bah là, c'est qu'ils se retrouvent, ça veut dire qu'ils se connaissaient déjà avant, qu'ils avaient déjà passé la nuit avant, tu m'emmerdes. Oh, ferme ta gueule. Oh bah zut, alors je peux plus parler de mon film tranquillement, je me fais envoyer chier, bravo. Tu me parles de Prudence Court, c'est pas la même chose. Ah bah lui il connaît que ça, hein. Bah oui. Ça va dévier. Oui. C'est Die Hard, mais toujours en nuit. Oui, Die Hard. Bref. Et est-ce que tu sais qui est le scénariste de Die Hard ? C'est quelqu'un qui va te parler. Scénariste de Die Hard, non, ça me dit. Ah, c'est aussi le scénariste de Commando. Et c'est le réalisateur de Street Fighter, Steven De Souza. Non, je me souviens pas de son nom. Mais bon, après Street Fighter, il a arrêté la réalisation, je crois qu'il a pas eu tort. Bah si, attends, Street Fighter quand même. Ah oui, Street Fighter, j'aime bien, mais bon. Mais bon, il y a que nous, je pense. À peu de choses près. On est là. Hein. Surtout toi. Bon, et a priori, d'ailleurs, tout comme Kamins, d'ailleurs, ça a été des cartons quand c'est sorti. Oui, c'est vrai que ça fait un gros carton. Hein. Ouais. Mm. Et qui dure. Ah, tu l'as nourri après minuit, c'est mort. Hein. Ah ouais. Oui, on est en plein exorcisme là en ce moment. Oui. La mère du dégueu en enfer. Elle a une mèche. Non, mais c'est rien ce qu'il a dit, t'inquiète pas. T'inquiète pas, c'est tonton Julien. C'est ce qu'elle a fait, la chienne, la fille. Je crois que c'est ta salope de fille. Faut être précis sur les termes. Ah, mais faut rester poli aussi, hein. Merde. Ça, tu crois que c'est le bordel, fait chier, faut être poli, quoi. Ah oui, merde. Vas-y, hein. T'as raison. Bon, bah merci Julien, c'était très intéressant. Et très du n'importe quoi, mais c'est bon. Mais bon, c'est pas, je crois qu'on c'est a suivi. C'est aussi limpide que les combats. Ah non, parce que dans derrière, par contre, c'est limpide. On sait où ils sont, ça marche. Bah oui, je sais, mais il était à côté, puisque dans derrière, c'est limpide. Et lui, il est pas limpide. Faut pas lui faire de compliments, après, il prend goût et il est ingérable. Ça, j'y prends goût. Au compliment. D'accord. Bon, donc, merci Julien. Bah, Loïs, ça va être à ton tour. Il vous en prie. Pour continuer dans la lignée de ce qui a été réalisé par Chris Columbus tout à l'heure avec les Gremlins, Moi, j'ai regardé Maman, j'ai raté l'avion, et qui a été produit par John Hughes, qui date de 1990. Bienvenue à bord du vol 1275 à destination de Paris. Kevin ! Maman, j'ai raté l'avion. C'est ma maison. Quoi qu'il arrive, je la défendrai. Maman, j'ai raté l'avion. À l'affiche maintenant dans un cinéma près de chez vous. Consultez vos journaux. Je pense quand même que tout le monde en a déjà entendu parler. Maman, j'ai raté l'avion. C'est la famille McAllister qui doit se préparer pour partir en voyage pour Paris pour les fêtes de Noël. Et suite à quelques petits soucis, il se passe qu'ils vont oublier un de leurs garçons, qui sera resté dans le grenier, Kevin, 9 ans, et qui va rester à passer quelques jours tout seul dans sa maison, et il sera, entre guillemets, menacé par une bande de cambrioleurs pas très malins. Pas très malins, oui, ça c'est clair. Et jusque-là, ça ressemble à l'enfance à Julien, je trouve. Rester dans le grenier, ouais, rester dans le grenier, tout ça. Tu parles des gens pas très malins ou... Non, ça c'est... aussi, ça c'est après. Aussi. Après, c'est après. Mais du coup, j'ai pas d'aide sociale pour ça. C'est peut-être pas plus mal. Du coup, j'ai Olivier, ça m'a pas rendu mon cul. Comme les Gremlins, de l'eau et à manger. Voilà. Oui, mais ça c'est toi. Bon, bref. Donc on était de la triste jeunesse de Julien, enfermé dans le grenier, oublié pour Noël. C'est ça. Et que dire de plus avec ce résumé, fort résumé? C'est un sociopathe, le petit? Non. Non, c'est si peu. Non. On pourrait dire, est-ce que le film est sorti à Noël, tiens? Oui. Oui, c'est le premier du lot qui est sorti à Noël, pour un film de Noël. Le 19 décembre 1990, précisément. Fait un carton box-office, ils avaient comme budget à peu près 15 millions de dollars, je crois. Et ils en ont tiré pour plus de 550 millions. C'est pas mal, c'est une belle opération financière. Ils ont bien gagné de la thune. Oui. Et comme on peut s'y attendre, c'est le film familial de Noël, avec beaucoup de gags exagérés, une petite leçon de morale donnée par un enfant à un adulte de plus de 70 ans. Oui, mais ça encore. Mais c'était très mignon comme film. Très mignon. Genre les parents, ils oublient les gamins. Ça peut arriver. Ah oui, bah oui, évidemment. Bah toi, ça t'est arrivé. Moi, j'ai pas oublié gamin. Non, toi, t'as oublié. Ah oui, c'était peut-être volontaire. Mais... Moi, sur l'air d'autoroute, c'était volontaire. Je pense qu'il était attaché à un arbre. Qu'une gamelle d'eau à côté. Non, même pas la gamelle d'eau. C'est surtout quand la mère, elle se rend compte. Ouais. Dans l'avion, ouais. Dans l'avion. Mais ça commence quand même par. Est-ce que j'ai fermé la porte? Est-ce que t'as coupé le gaz? Putain, c'est le gosse qui manque. Voilà, bah oui, mais en même temps... Mais en fait, c'est tous des teubés, en fait. Les parents, ils sont teubés, les cambrioleurs sont teubés, le gamin, il a une tête de pédophile. Non, le gamin, c'est un psychopathe, je suis désolé. Les pieds chiffés, les mecs, ils devraient être morts 15 fois. Ouais. Non, il y avait une étude, il y a des vrais médecins qui avaient fait une étude, les gars, ils sont censés être morts 4 fois dans le film, minimum. Et, ou finir tétraplégique. Hein. Rien que pour les premières chutes, quand il commence à essayer d'entrer dans la maison, ou à un moment, il glisse sur les escaliers qui ont été gelés parce qu'il a mis de l'eau dessus. Rien qu'une des chutes, à un moment, le mec, il aurait pu se briser la nuque. Il aurait dû se briser la nuque. Ouais, ils sont coriaces. Là, les deux pots de peinture, on s'est plein pot dans la gueule. S'il meurt dès le début, ça va pas le faire. Bah ouais, tout de suite, c'est vrai que c'est vrai. Ça va pas être pratique. Vois, la différence entre Gremlins et Maman, j'ai raté l'avion, c'est que dans Gremlins, c'est Gremlins, il meurt. Et dans Maman, j'ai raté l'avion, les méchants, ils meurent pas. Ouais. Est-ce que ça se regarde en famille? Enfin, est-ce que c'est tout public? Bah, carrément, oui. Parce que nous, on a regardé avec Joseph. 4 ans. 4 ans. Et lui, c'est vraiment quand les méchants, les cambrioleurs essayent de rentrer, qu'il se fait à un moment donné cramer le haut de la tête. Ça, ça l'a... Il n'a pas aimé ça. Il n'a pas aimé cette partie-là. Et puis la première heure, il s'est fait chier aussi. Oui, c'est vrai. Ouais. Ça a pris énormément de temps à démarrer. Ouais. J'ai regardé le film en 2 fois, parce qu'il fallait bien dormir entre-temps. Ça taille, c'est pas bon, ça. C'est pas bon. Quand ça, tu regardes le film en 2 fois, c'est pas bon. Ouais. Non, il était 1h du matin. Elle est là, la différence. Ah ouais. Enfin, bref. Et sur les 3, pendant 1 heure, quasiment, il n'y a rien. Non, ça blablate. Hein. Ça blablate, et ils disent, oui, on va arriver, on va cambrioler, ils arrivent, si ça ne marche pas, ils reviennent, ça fonctionne à moitié. Il s'acharne sur sa maison, quoi, on sait pas. Ah, voilà, c'est ça. Ouais. Ah si, parce qu'il avait déjà repéré qu'il y avait plein de trucs à piquer dedans. Par contre, ils le disent à chaque fois, c'est pour cette maison-là qu'il cambriole toute la rue. Et il a quand même du génie, le gamin, à essayer de faire des maquettes de personnes à bouger... Ah oui, au milieu, oui. Au milieu. Quand pour faire croire qu'il y a du monde dans la maison. Pour faire croire qu'il y a du monde dans la maison, avec tout son aménagement, c'est... Oui, c'est vrai que... Il n'est pas que psychopathe. Voilà. Un peu autiste. Oui, très autiste. Et ouais, c'est vrai que ça, c'était pas mal. Enfin, là, je me suis dit peut-être que ça allait commencer à ce moment-là, mais en fait, non, après, c'est retombé et c'était un peu dommage. Mais... il y avait quand même des trucs, enfin, assez marrants, en fait. Rien que dans les dialogues, on se rend bien compte que c'est un peu vieillot, quand même, parce que quand il y a toute sa famille qui disparaît, parce que, bon, au final, ils sont partis, ils l'ont oublié, le truc qu'il arrive à dire, c'est moi qui ai fait disparaître tous ces ploucs. Ah ouais ? Et j'ai trouvé ça assez comique. Et aussi, à un moment, il disait, je vous promets, si vous revenez, je serai plus jamais un affreux joujou. Ça, c'est mignon, même. Oui, c'est mignon. Un peu vieux, mais mignon. Ouais. Oui, il y a un côté magie noire qu'il aurait pu... Ouais, déjà, la musique, je trouve qu'elle a un côté un peu fantastique, là, justement, hein, quand il y a l'arbre qui tombe sur le poteau électrique qui coupe l'électricité chez eux. La musique, elle fait penser à un truc de magique, alors que bon, bah, c'est juste l'arbre qui tombe, quoi, mais... Parce que, juste avant, il avait souhaité que ne plus jamais revoir ses parents, et c'est précisément à ce moment-là où il s'endort qu'il y a un gros coup de vent qui fait s'abattre une branche d'arbre sur le câble électrique, quoi. Et puis, voilà... Moi, donc, ce film, toi, tu me conseillerais pour Noël? Ça reste un bon film? Ouais, c'est mignon. C'est mignon? Franchement, ouais, c'est mignon. Puis le côté de la mère aussi, qui fait tout pour arriver, parce qu'elle s'inquiète, quoi, et puis elle peut pas le joindre. Il serait temps. Puis elle a que des problèmes, quoi. Que des problèmes pour y arriver. Après, ouais, à un moment, à cause de la panne de courant, ils disent que, bon, le téléphone sera pas remis avant tant de temps. Et là, étonnamment, bah, quand il commence à se faire cambrioler et que Kevin appelle la police pour prévenir de l'intrusion, et bah, étonnamment, le téléphone fonctionne maintenant. Oui, alors que quand ils appellent, ça ne répond pas chez eux. Oui, c'est ça. Ça, j'avais pas vu. Il y avait encore un truc super mignon. C'est, je crois, le 24, enfin, juste la veille de Noël, avant la nuit du... Enfin, juste avant le cambriolage. Le petit Kevin, il va dehors, il va dans sa ville, et il essaye de parler à un bonhomme qui fait le Père Noël, quoi. Il dit, écoutez, monsieur, je sais que vous n'êtes pas le Père Noël, le vrai Père Noël, parce que je suis grand et que je sais comment ça fonctionne, mais vous travaillez pour lui, alors donnez-lui un message de ma part, s'il vous plaît. Faites ramener mes parents. Et j'ai fait, oh, c'est trop chaud. Oh, le rattrapage, nous, on s'est dit le rattrapage. Ouais, ouais. Le grand n'a plus croire au Père Noël. Non, rattrapage, c'est bon. Ouais. Ah merde, il y a des gosses qui regardent, c'est vrai. Et puis voilà, quoi. Bon, oui. À côté de ça, c'était quand même assez touchant. Mignon, touchant, et bon, bah, un peu exagéré, et présent quand même du mal à commencer, mais voilà, conseillé. Plus que les suites? Ben, en fait, moi, quand j'étais petite, j'ai été élevée à coup de « Maman, je m'occupe des méchants ». Ça doit faire mal. Et ben moi, j'adorais ce c'était film. C'était en VHS ou... Ouais, j'ai adoré ce film, et je me suis dit « Ah ouais ». Je comprends pourquoi tout le monde me dit qu'il ne devrait pas exister ce film, parce que c'est juste une pâle copie en fait, de Maman, j'ai raté l'avion. Quoi. Bah, oui. Jusqu'à même retrouver certains morceaux de dialogue qui sont exactement les mêmes. Ah, ça, c'est moche, par contre. Parce que, bah, en fait, dans Maman, je m'occupe des méchants, le gosse, il a un rat. Il a... Non, c'est un rat, c'était Brendan. Allez, reparle de Brendan. Allez. Je vais oublier ce film. C'est clair. Et le gosse, il a un rat, et dans Maman, j'ai raté l'avion, en fait, c'est le grand frère de Kevin qui a une tarentule qui s'échappe. Et à un moment, la tarentule se retrouve sur le visage. On a entendu que tu disais que le petit se faisait tripoter par Michael Jackson, c'est bon, assume. Oh oui, bah, si tu peux continuer. La tarentule se retrouve sur le... se retrouve sur le visage d'un des cambrioleurs, et là, on retrouve exactement la même phrase. Juste le prénom qui change parce qu'il ne s'adresse pas à la même personne, c'est « Surtout, Harry ne bouge pas ». En même temps... Le truc à pas dire, quoi. Oui, mais il n'y a pas beaucoup de phrases différentes à sortir dans ces cas-là. Oui, mais justement. Non, mais là, c'est exactement la même chose. Les deux, ils se préparent avec un pied de biche et essayent d'attaquer l'animal et... Et c'est celui d'en dessous qui va prendre le coup. Oui, enfin, toujours. Mais c'est exactement la même intonation, pareil. J'ai fait. Ouais, ça détruit un peu de choses quand même. Dans ces bah oui. Ouais, sinon, est-ce que toi tu, ou quelqu'un d'autre a des anecdotes sur le film? Moi, j'ai pas trouvé beaucoup sur. À part Michael Jackson. Non, Michael Jackson, tu viens de l'inventer il y a 2 secondes, ça compte pas. J'ai vu qu'il y avait quelques références. Après, le problème, c'est que les films, je les connaissais pas, du coup, je voulais pas trop en parler. Ah, vas-y, dis toujours. À un moment, il y a une référence quand il y a un des deux cambrioleurs qui essaye de rentrer et que la poignée de la porte était piégée avec un fer chaud. Du coup, il avait. Sur la poignée, il y avait un M comme le M du nom de famille McAllister de la famille. Ouais. Et il se retrouve avec la marque du M sur la main et ça fait référence à un autre film. Oui, à 2 autres films même. À l'Arche perdue, le fait qu'il se brûle la main et qu'il aille la mettre dans la neige et à oui, M le maudit. Oui, voilà, je pensais à M le maudit. Mais le M dans la main, c'est M le maudit. Ouais. Je ne connaissais pas, je préférais pas trop m'avancer dessus. Et puis, il y avait encore autre chose aussi, que je ne sais plus, oublié. Le chanteur. Mais arrête avec Michael Jackson! Non, M, le chanteur. Ah, M, le chanteur. Bah, moi, ça m'a plus fait penser à M de Magnum, mais... Tant Magnum, ça te parle plus, toi. La glace ou l'acteur? La moustache. La moustache, c'est bien parce que ça gratte. Ah tiens, tu m'étonnes. T'aimes bien quand ça gratte. Ça fait des guillis. Ôtez-moi ces images. Bon, moi j'ai trouvé qu'Elvis faisait de la figuration dans Maman, j'ai raté l'avion. Non. Si. Enfin non, c'est une rumeur, hein, il est mort, mais apparemment dans la fanfare de Polka, il y aurait Elvis dedans. Je me doute bien qu'il est mort depuis. Mais ça a été beaucoup relayé qu'Elvis jouait dans Maman, j'ai raté l'avion. Ah, bah tiens, du coup, en parlant d'anecdote, dans le 2, eh ben, il y a une apparition de Donald Trump. Bah oui, parce que c'est dans son hôtel. Ça. C'est dans la Trump Tower. Les parents sont assez cons pour l'oublier une deuxième fois. Quoi. Non, la deuxième fois, c'est qu'il il part à New York, je crois. Tout ça, il devait aller en Floride. En fait, il se trompe d'avion. Oui, donc c'est une famille de cons. C'est une famille de cons. Et le gamin, c'est un psychopathe et la famille sont tous teubés. Mais bon. Alors j'ai trouvé aussi une autre anecdote que la photo de la petite amie de son grand frère moche, là. Voilà, c'est un garçon. C'est un garçon, parce que c'était trop mignon de prendre la photo d'une vraie moche. J'ai trouvé que c'était délicat. Et voilà, du coup, c'était... Bon, au départ, en fait, je me suis demandé si c'était pas le fameux grand frère, justement, qui avait posé pour la photo, en fait. Ah oui, ça, je sais pas. Donc, je sais qu'ils avaient pris un garçon qu'ils avaient maquillé, parce que une vraie moche, c'était trop mignon. C'est pour ça, oui. Ils avaient la même corpulence, on va dire. Oui, oui, ils avaient la même gueule, quand même. Voilà, voilà. D'accord. Eh ben, merci, Héloïse, pour avoir partagé avec nous. Merci. Vous avez les alcooliques anonymes, dis donc. Ah. Non, faut que j'arrête ça, c'est pas bon. Mais, alors qu'en fait, on bouffe des carambars en boîte d'eau. Ou du chocolat. Regarde tout ce qu'il en bouffe, l'autre idiot de Julien. En fait, c'est des mouches, c'est pour regarder les plates dedans pour se renouveler. Oh, tu parles, il s'est jamais renouvelé depuis le temps, lui. Hein. De toute façon, il sait pas lire. De toute façon, on voit rien. Ah, tiens, c'est pour toi, celle-là. Les pros de la drague, je lui ai déclaré ma flamme. Et alors, elle avait un extincteur. En fait, c'est pour toi, ça. Je déclare jamais ma flamme. Tu mets le feu, c'est ça? Bon, non, Julien, il a même plus. Son avis. Il se fait même plus d'illusions, Julien. C'est tant que lui, il jouit, c'est bon. Il jouit de sa notoriété, c'est ça? Ouais. On va dire ça. Bon. On va avoir des procès au cul. Bon, je pense pas quand même. On est pas assez suivi pour avoir des procès. Ouh, attends. Ouais. Voilà. Je voilà. Sais pas. Hein. Ouais, on sera des stars, je pense, bientôt. Voilà. Peut-être. Ah, j'ai vu que ton copain Julien Bécamel avait hâte d'entendre Die Hard, a priori. Cette fois, donc, c'est moi. Ton film ? Oui, bah alors moi, ça va être Fantôme en fait. 7 o'clock. Psycho sees Santa's workshop. And only Lee Majors yes. can stop them. In the night the reindeer die. Be here. You can't show that commercial. That thing looked like the Manson family Christmas special. I think I'm way off base. Yes, you're a tad off base, sir. Frank Cross is more than the youngest network president in television history. Call security, have them change his locks and toss him out of the building. Oh, he's fired? It's Christmas. Thank you. Call the county. Stop his bonus. Oh, watch out. He's a thoughtful boss. Thanks, boys. Get the nurse. A generous brother. What did he give you last year? I don't remember. A shower curtain. Did you, ma'am? I think you dropped something here. And a true humanitarian. I can't get the antlers glued onto this little guy. We've tried crazy glue. Have you tried staples? But his life is about to change. That was a good one. You are going to be visited by three ghosts tomorrow at noon. God, tomorrow's bad for me, Lou. As a matter of fact, the whole rest of the week is a washout. Anyone who thinks he hates Christmas is wrong. Come back to Jersey, you moron! It's ghosts he hates. I love that bit! Of Christmas present. Bill Murray. Karen Allen. It sounded like you'd seen a ghost. A ghost? John Forsythe. Bobcat Goldthwait. Hey! You glad to see me, or is this a shotgun in your pocket? You know this one? Everybody knows this one. Let's go now. Yeah, does everybody know this one? Carol Kane. Robert Mitchum. I really care! David Johansen. Oh, I'm having the weirdest day! This holiday season, see Bill Murray get Scrooged. Hey, back off, big man. That may work with the chicks, but not with me. Qui est sorti en Noël 1988, réalisé par Richard Donner. Alors, je sais pas, peut-être que... Oui, Julien, ça te parle, vas-y. Un fatal. Et Un fatal 2. Ouais. Bientôt, tu vas me dire Fantôme en fête, c'est ça? Kebab. Richard Donner, Kebab. Genre, les gars, humoriste. Bon, alors en fait, moi je pensais à Superman pour le coup, mais bon. Voilà. Black Carambar, bonjour. C'est ça, là, ouais, t'as pas besoin de ça, moi, je peux les faire tout seul. Donc, bref, réalisé par Richard Donner, et la musique c'est Danny Elfman. Et c'est inspiré de roman de Charles Dickens, Un chant de Noël. Voilà. Je crois que j'ai tout dit là pour résumer le truc. Du coup, le titre original c'est. C'est Scrooge, avec un D à la fin. Oui, voilà, ça, tout de suite c'est plus rapide. Voilà, donc ça parle de Frank Cross, joué par Bill Murray, c'est le patron d'une grande chaîne de télé, et c'est surtout un bel enfoiré. Et il produit une émission spéciale Noël avec comme clou du spectacle une version de Un chant de Noël, donc de Charles Dickens, un grand spectacle. Son comportement ouvertement tyrannique, alcoolique, connard fini, qu'est-ce qu'on peut ajouter ? Misogyne peut-être ? Bon, c'est déjà pas mal. Voilà. Donc ça attire sur lui en fait les esprits de Noël. Donc il est averti par son ancien patron, qui est mort depuis 10 ans. Donc il vient le rendrer, le prévenir que faut pas finir comme lui. Et il faut qu'il change et il aura la visite des fantômes de Noël pour l'aider à changer. Donc le lendemain matin, le lendemain à midi, il y a le fantôme de Noël passé qui vient lui rendre une petite visite et le ramène dans son passé, comme son nom l'indique, en taxi. Pour voir sa jeunesse. Ensuite, il y a le fantôme de Noël présent qui lui montre comment ça se passe tout de suite, notamment un sans-abri qui meurt à cause de lui. Et le fantôme de Noël futur qui lui montre que quand il va mourir, il y aura bien que son frère pour venir voir sa crémation. Voilà. Et du coup, évidemment, à la fin, il devient super gentil, super sympa. Il se rend compte que ses employés, en fait, ils ont aussi une famille, une vie, et que c'est des gens comme lui. Et voilà. C'est plein de bons sentiments. Voilà, je pense que j'ai fait pas mal le tour de la question. Donc je suis le seul à l'avoir vu, c'est ça ? Non, moi je l'ai vu. Oui, toi tu l'as vu avec moi, c'est ouais. Vrai. Alors vas-y Julien, t'as pas vu toi ? J'ai pas vu. Trop du cul. Ouais, oui, j'ai pas vu, mais ça, parce que bon, là déjà, j'ai pas besoin de voir, t'as résumé déjà le film. Et t'as déjà lu Un chant de Noël, bien sûr, tu connais Dickens par cœur. Ouais, oui. Ouais. Je fais ton bagage littéraire. Bon, Dickens, vas-y, finis ta phrase, ton Dickens, qu'est-ce qu'il y a ? Voilà, évidemment, je le connais par cœur. Ouais. C'est pas le cœur, Dickens. Non, c'est pas ce que je pensais. Toi, Héloïse, on avait jamais entendu parler. J'ai pas vu ce film-là, mais j'ai déjà vu le conte sous la forme Disney avec Picsou dedans. Oui, et Mickey et Donald, oui. J'ai trouvé ça très mignon aussi. Oui, il est bien aussi celui-là. Et donc, toi, Emily, tu es avec moi hier. Oui. Voilà, et du coup, je vais faire ma petite liste. Ce que j'ai trouvé vraiment bien dans le film, c'est la relecture intelligente, justement, d'un chant de Noël, qui est assez sympa. Bon, c'est très années 80, pété de fric, tout ça, mais bon, c'est sympa. Le design artistique des esprits aussi, qui est vraiment, pour le coup, marquant. entre le taxi, la fée et la mort. Oui, c'est... La fée, elle est hystérique. La mort, il fait peur. Le conducteur de taxi est... il est complètement barjo aussi. Enfin, ils sont tous allumés hein, dans le truc. Bon, il y a Bill Murray. Moi, j'aime bien Bill Murray. Donc, voilà. Rien que ça, c'est un plus. Du coup, il y a une belle mise en abîme d'un chant de Noël, parce que t'as le film, dans le film, dans la mise en... Oui, c'est bien la rythmé. Mise en scène. Ah oui, c'est bien rythmé, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Et puis, ben, le fait que régulièrement, il brise le quatrième mur en faisant justement la mise en abîme et carrément à la fin, Bill Murray qui s'adresse au public, qui fait chanter le public. Voilà, j'ai vraiment trouvé ça bien. Et il y a quelques petits mois, même si j'en trouve pas beaucoup, parce que vraiment, j'adore ce film, je trouve que l'image est un petit peu terne, ben, c'est un peu vieilli, quoi. Ouais. En même temps, rétro, quoi. Ouais, pas... non, mais vraiment l'image un peu terne. Je pense que le DVD sorti, le seul DVD qui existe, c'est pas terrible. Bon, bah, il y a Bill Murray, pour ceux qui aiment pas, bah, ça passera pas. Et puis, quand même, le film est complètement hystérique. Hein, entre les fantômes, Bill Murray et tous. Oui, c'est déjanté, quoi. Ah ouais, non, ils sont tous sous coke. Hein, c'est... Moi, bon. La fin, ça m'a fait penser à un clip de Michael Jackson. Où t'as... On en revient toujours, mec. Mais Noël, Michael Jackson, il y a un truc à creuser. Ou je sais plus quel clip c'est, mais il est tout seul et il y a tout un monde autour de lui, justement d'un plateau télé. Ouais. Ça faisait un peu penser à ça. Ah, c'est peut-être We Are the World. Peut-être. Ouais. Sauf que là, Bill Murray, dans celui-là, il fait chanter le public, donc c'est rigolo. Ouais. Voilà, dans les petites anecdotes que j'ai trouvées, alors il n'y a pas grand-chose. J'ai vu que les trois frères de Bill Murray jouent dedans. Ils jouent d'ailleurs ses frères ou son père, ils ne sont pas trop foulés. Ah oui, il y a eu un truc visionnaire. Son patron, donc, qui est joué par Robert Mitchum, donc on est en 88, lui dit « Les chiens regardent la télé, va falloir faire une télé pour eux. » N'empêche que maintenant, elle est là, la télé pour chiens. Je crois qu'il y a deux chaîne. Chaînes. Ouais. DocTV. Ouais. Donc ça, c'était bien vu. Et voilà, et pour les connaisseurs, dans le film, dans un des rôles principaux, il y a Bobcat Goldthwait, j'ai un peu du mal à dire son nom, c'est le Z de Police Academy. L'hystérique de Police Academy. Voilà. Et ça doit être lui le plus calme du film, pour le coup. Donc voilà. Et moi, comme j'aime bien ce film, je trouve qu'à Noël, c'est vachement bien. C'est pété de bons sentiments. Normalement, ça me rendrait malade, mais là, moi, j'aime bien. Ça marche. Ça marche à fond. Comme moi, finalement. Bah, ouais. En famille avec des gosses En famille avec des gosses, je pense que, mis à part le SDF qui meurt. Voilà. Mais vraiment, c'est un peu sordide parce qu'il retrouve congelé sous une bouche d'égout. Voilà. Et le design de la mort qui est un peu effrayant quand il enlève la toge, t'as plein de... Dame perdue en dessous qui essaye de s'échapper de ses côtes. Ce qui est marrant, c'est qu'à la fin, il chante avec des cannes à sucre dans la main. Mais au moment où il essaye de s'échapper de ses côtes, ça fait un peu peur. Mais sinon, Joseph a un peu eu l'air traumatisé. Sauf quand il est dans le vide à un moment donné et qu'il est tenu par un... Ah oui, bah, par l'esprit de son patron. Et du coup, ça fait un peu poussière. Comme l'esprit, il est un peu pourri. Quand il veut lui rattraper le bras, il lui arrache le bras et il tombe. Oui. Voilà. Puis il y a une souris qui sort de sa tête pour virer une balle de golf. Ça, c'est un peu... Même moi. C'est mignon. Non, c'est mignon parce que c'est poussiéreux, c'est pas du sang, c'est rien. La petite souris, elle sort, elle vire la balle de golf et puis elle re-rentre, quoi. Bah oui, mais c'est un vieux zombie. Bah oui, mais... Ah d'ailleurs, ils ont piqué... The Mask a piqué une blague à ce film-là. Quand il boit un... Oui. Quand il boit et que t'as tout le... Ce qu'il boit qui sort par les trous, Il a été... Bah justement, il se fait tirer dessus plusieurs fois et il boit et il a... Il fait fontaine. Il fait fontaine, Julien. Vas-y, exprime ta pensée profonde. Oui, Héloïse t'a regardé, mais t'as commencé à sourire. Voilà, c'est le gars. Héloïse, elle s'est dit, on parle de trous, de fontaine, il va rigoler. C'est parce que Héloïse, elle capte un truc, tu vois. Elle me regarde pour dire, bah non, c'est Julien. C'est Julien. Non, mais Héloïse, elle commence à connaître, elle s'est dit, trou, fontaine, Julien va dire un truc. C'est ma faute, alors j'ai rien dit. T'as pensé, on t'a entendu penser. Faut assumer. T'as commencé à rire, je t'ai regardé. C'est pas moi. Je t'ai pas rigolé. Bon, si, t'as rigolé. Ça sera même plus souris. Oui, t'as souri, pardon. Donc voilà, donc pour moi, ce film est visible en famille, contrairement à Julien, qui n'est pas visible en famille. Ça dépend, hein. Ouais, ça raconte bien l'esprit de Noël, quoi. Julien ou le film? Le film. Le film, oui. Il y en a qui le conseillent aux enfants et pas à l'autre. C'est ça. Non, moi je trouve que le film marche bien, mais aussi le chant de Noël de Dickens, c'est vraiment un truc, bon c'est moraliste, c'est tout ce qu'on veut, mais ça fonctionne à mort. Même la version Disney est vachement bien. Ouais, t'es chouette. Est-ce que quelqu'un a une petite recommandation de Noël ou quelque chose? Non, toi ta gueule. Julien, t'as pas le droit de parler, tu vas te dire une connerie, donc tout de suite, non. Non, mais je sais pas, moi je voulais parler de la mère Noël. Non, pas la mère Noël. Pas la mère Noël non plus? Non. On n'attaque pas les mamans. Bah j'ai rien dit, je n'attaque pas la mère Noël. Pour le moment, oui. Pas pour moi. Non, finalement, il n'y a pas tant de films que ça de sur Noël. Films familiaux et très. Oui, voilà. Il y a tous les films d'M6, t'en as deux par jour pendant un mois, t'inquiète pas qu'il y a du stock de films de Noël. C'est pas pareil. Téléfilms d'M6. Et TF1 aussi, sûrement. Oui, aussi. Ouais. Donc, non, des films de Noël, il y en a des bons, il y en a peut-être un peu moins. J'ai l'impression qu'ils sont essentiellement chez Disney, en fait. Ouais, pas que, parce que là, on a parlé d'aucun film Disney. Non, c'est vrai. Aucun dessin animé. Ouais, même film Disney, tu vois, Rasta Rocket, c'est un film Disney, mais c'est un film. Noël. Ah, il y a de la neige dans Rasta Rocket. Non, mais c'est cool. Là, raconte pas de conneries, à un moment donné. Bon, ça va, merde. Bon, donc, toi, t'as pas de quoi faire pour les films de Noël, donc. Comme ça, ça me vient pas directement à l'esprit. Tom, il dit quelque chose à conseiller pour Noël ? Pour Noël, bah, se voir les quatre. Oui, évidemment. Qu'on aura peut-être donné envie ceux qui connaissaient pas. Ce serait bien. Enfin, Gremlins, je pense que. Ouais, je pense que Gremlins, d'ailleurs, les Maman, j'ai raté l'avion, c'est quand même des classiques. Hein. Oui, surtout Gremlins et Maman, j'ai raté l'avion. Fantôme, en fait, je pense que tout le monde a déjà entendu parler de l'histoire. En fait. Bah, l'histoire, oui, elle est ultra connue. Voilà. Mais moi, est-ce que j'ai une reco pour Noël ? Non. Si, Jack Frost, mais j'en parlerai le mois prochain. Donc, La Reine des Neiges, allez hop. Non, non, pas la Reine des Neiges. Non, mais Jack... Ah, si, si, les 5 légendes. Le dessin animé DreamWorks, les 5 légendes. C'est vachement bien. Si, ça, c'est bien à regarder à Noël. Bon, et du coup, le mois prochain, donc j'ai déjà un peu teasé pour moi, on va faire les films de neige, ou à neige, où il fait froid. Voilà, donc moi, je vais parler de Jack Frost. Et Émilie, tu vas nous parler de quoi ? Je vais parler de Transperce Neige. Héloïse ? Moi, ça va être Antarctica. Avec les chiens. Oui. D'accord. Et toi, Julia ? Ah oui, je sais, tu montres le doigt, c'est pas 58 minutes pour venir. Non, t'as pas le droit à 58 minutes pour venir, même s'il y a de la neige. Même s'il y a de la neige, non, Everest. Voilà. Ouais. Eh ben, c'est parfait. Bon, ben, on se dit au mois prochain. Gros bisous. Gros bisous. Gros bisous, salut, bonne fête. Et bonne fête de fin d'année. Et, béni soient les hommes de bonne volonté, ou je sais plus quoi. Yippie-kaï pour un con. Voilà. Let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping. And I brought some corn for popping. The lights are dimmed way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. Let me finally kiss goodnight. How I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. But as long as you love me so, let it snow, let it snow.